Je me souviens un jour, on s'embrassait dans la rue. La légère pluie nous a fait lever les yeux. On se trouvait entre une pompe funèbre et une maternité. Je sais pas pourquoi en février, j'ai senti que je devais lui écrire cette lettre. J'avais la voix de ma mère en tête. Les gens ne sont pas éternels. Les gens ne sont pas éternels. Dans ma lettre, je lui racontais que cet été, on allait pouvoir discuter de Dostoïevski, son auteur préféré. Ça, c'est une conversation qui n'arrivera jamais. La semaine après sa mort, j'ai fait que ça. Lire, lire, lire. Je voulais absolument finir le premier volume avant d'y aller. Comme pour tenir ma promesse. Comptez pour les contenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans cette maison à demi vide, la mort fait sortir des mots enfouis qu'on ne pense même pas. Et quand je les vois se déchirer, larmes montent. Alors je me retourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ferme les yeux. Une odeur de tabac froid. Milanesa de carne. La radio dans le fumoir. Les voix espagnoles qui crient dans le poste de télévision. Un solitaire dans la cuisine. Des mots croisés. Des camélias. Je me souviens des derniers mots qu'elle m'a dit. Merci. Merci d'être resté toute cette semaine avec ton grand-père et moi. Allongée sur le divan, en train de regarder le fauteuil où elle était assise lorsqu'elle a prononcé ces mots, je laisse mes larmes couler. Mais cette fois-ci, elles sont douces. Et alors, je repense à ce jour-là, où trempée, entre la vie et la mort, on avait continué à s'embrasser. Un petit sourire entre nos lèvres. On a la vie devant nous.